J'ai beau raconter un truc plutôt révoltant. J'ai maté un reportage sur la Madagascar. Wow. Vous savez l'île où que y a des animaux bizarres. Comme quoi à la télé peuvent passer des trucs intéressants. Dans ce pays africain aux allures paradisiaques se cache une culture qui laisse à désirer. Bah ouais, là-bas les fous on les attache sous le prétexte qui sont possédés. Petit isomalia, petit au monde avec sa tendance à teuter. Petit isomalia, petit au moins tu te rends compte, t'as une chaîne au bout de ton pied. Y'a pas assez de sous pour se payer des hôpitaux. Heureusement, on peut se faire soigner par des enfoirés de gâteaux. Des noirs vêtus de blanc que l'on appelle des bergers, séquestrent des fous afin de les exorciser. Les trisomiques, les muets, les gens qui entendent des voix, les alcoolos, dépressifs, tous ils y ont droit. Remarque quand même un net progrès. Au Moyen-Âge, on les brûlait sur un bûcher. Petit trisomalia. Sont impuissants comme d'habitude. Ils sont au courant mais ne peuvent rien faire. Ne se rendent pas compte que pour ces fous la vie est rude. Et puis ce qui fait la loi de chacun, c'est la croyance populaire. Petit isomalga, petit vieux au monde avec sa tendance à teuter. Petit isomalga, petit est-ce qu'au moins tu te rends compte, t'as une chaîne au bout de ton pied. Nous y'a pas de discrimination chez nous. On prend des enfants de 6 ans comme des personnes âgées de 84 ans. Et avec, au nom de Jésus, on dit à Satan qui est dans leur tête, au démon, on dit au démon, sort, démon, sort de ce corps.